t'inquiète, faudra plus que des mots. Trop de mauvais souvenirs dans les mémos. Qualité humaine remplace financier défaut. La solitude remplacera bientôt les faux. 1, 2, 3, 4 bisous, dur de rester sage. On s'oubliera au bout de 3 jours sans message. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre sur mon passage. C'est Dieu qui donne, y'a pas de quoi avoir le rush. J'remplace mes ex, j'remplace mes faux potes. J'ai la Rolex, remplace les menottes. J'remplace mes ex, j'remplace mes faux potes. J'ai la Rolex, remplace les menottes. On nous vend du rêve, vend du rêve, vend du rêve. On nous vend du rêve, vend du rêve. J'remplace mes dettes, par ça c'est mes gros chèques. Mais est-ce qu'un gros chèque pourra remplacer mes fautes? Alger, Canada, parti train à la base. J'arrive en tête, j'repartirai sans cabas. Toujours au rafale, armé de baraka. Les larmes de Yéma feront plus mal que la car. J'remplace mes dettes,